J'ai travaillé toute la journée. Mon espérance de vie part en fumée. J'ai cette mélodie, je m'émane entre les eaux et les flammes. Même dans une chanson, je t'en prie, laisse-moi kiffer. Il y a toujours cette lumière qui me guide.